que j'ai 20 ans. Victime de violences policières, délit de faciès, et c'est l'enfer. Ils ont la rage, les policiers, quand il s'agit d'un immigré. Pour eux, le meurtre est un devoir. On a la gueule sur le trottoir. Je suis métis, j'ai 18 ans. Moi, je suis black et j'ai 20 ans. Victime de violences policières, délit de faciès, et c'est l'enfer. Le cœur s'est mis au ralenti, tant de souffrance et je vomis. Mon cœur décide de s'arrêter, une flaque de sang sur le pavé. Je suis métis, j'ai 18 ans. Moi je suis black et j'ai 20 ans. Victime de violences policières, délit de faciès, et c'est l'enfer. On est deux morts sans importance. Les policiers gueulent, vive la France. Victime de violences policières, délit de faciès, et c'est l'enfer. Je suis métis, j'ai 18 ans. Moi je suis black et j'ai 20 ans. Contrôle de police abusif, permis de tuer pour les shérifs. On est deux morts sans importance. Les policiers gueulent, vive la France. Victime de violences policières, délit de faciès, et c'est l'enfer. Je dédie cette chanson à Mathis, 18 ans. C'est l'homme, 20 ans. Adama, 24 ans. Yanis, 20 ans. Cédric, 42 ans. Maeva, 21 ans. Mohamed, 33 ans. Zakaria, 21 ans. Tous victimes des violences policières.